Affaires sensibles et la fiction, aujourd'hui nous sommes un peuple, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Sharif Gattaz, réalisée par Cédric Ossir. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons l'histoire d'une famille de RDA, la République démocratique allemande, à Berlin, en novembre 1989, quelques jours avant la chute du mur. À ce moment précis, le régime communiste est encore puissant, et la Stasi, la police politique, toujours très active pour surveiller et arrêter ce qu'elle appelle les dissidents. Et pourtant, en quelques heures, le mur de la honte est tombé, ou plutôt, les portes sont ouvertes. Comment le mur a-t-il pu s'effondrer aussi vite, aussi simplement, presque naturellement, sans aucun coup de feu ni arrestation? Reprenons le fil de l'histoire. Le 24 juin 1948, les soviétiques qui occupent Berlin-Est coupent toutes les communications avec l'enclave de Berlin-Ouest, répartie en trois secteurs, anglais, américain et français. Pendant près de 11 mois, les américains organisent l'un des plus longs ponts aériens pour ravitailler les Berlinois de l'Ouest. En 1950, Berlin-Ouest est intégré au sein de la République fédérale allemande, autrement dit l'Allemagne de l'Ouest. Son existence devient très vite insupportable pour les soviétiques. En 1958, déjà, plus de 3 millions d'Allemands de l'Est ont fui en Allemagne de l'Ouest. Alors, les 12 et 13 juin 1961, les autorités d'Allemagne de l'Est font poser grillages et barbelés pour entourer et isoler Berlin-Ouest. Puis le 13, en plein été, ils construisent, comme ils l'appellent, un mur de protection antifasciste, le mur de Berlin, surnommé le mur de la honte. Alors comment a-t-il pu tomber si vite? On y revient. Eh bien, il se trouve qu'en ce 9 novembre 1989, à 18h53, très précisément, Günther Schabowski, porte-parole du comité central, tient une conférence de presse. Il sort de sa poche et lit d'une voix monocorde un document annonçant que des visas pour voyager ou émigrer à l'étranger seront délivrés sans condition particulière ou raison familiale aux Allemands de l'Est. Tiens donc. Et à partir de quand? Demande un journaliste. Pris au dépourvu, Schabowski improvise. Autant que je sache, immédiatement, sans délai. Alors la foule, qui n'en croit pas ses oreilles, afflue devant le poste frontière de la Bornholmer Straße qui relie Berlin-Est à Berlin-Ouest. Désorientés, les gardes ne savent pas s'ils doivent les laisser passer. À 23h30, un officier finit par donner l'ordre « Ouvrez la barrière ». La suite, on la connaît, des foules en liesse venues de l'Est partent à l'assaut de l'Ouest dans une allégresse collective comme on n'en avait pas vu depuis la libération, précipitant, au passage, l'effondrement du régime est-allemand. Après la fiction, nous recevrons Matthias Feckel, ancien ministre socialiste, conseiller régional de la région Nouvelle-Aquitaine. Né en Allemagne, il vivait à Berlin en 1989 et il a assisté, à l'âge de 12 ans, à la chute du mur. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nous sommes un peuple, de Sharif Gattaz. Quelle heure est-il? 10 heures. Moi 10. Et pourquoi il n'appelle pas? Il va le faire. Mon garçon, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vous en supplie. Faites qu'il ne lui soit rien arrivé. Du calme, Magali. Yann a raison, ça ne sert à rien de paniquer. Il s'agit de mon fils. Oui, de notre fils. Justement. Bah, quoi, justement? Justement, tu devrais me comprendre et t'inquiéter tout autant que moi. Et merde! Je n'aurais jamais dû le laisser partir. Quelle idiote, mais quelle idiote! Je ne me le pardonnerai jamais. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, Magali, écoute-moi. Alexandre n'est pas parti depuis assez longtemps. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. Comme tu voudras. Je fais ce que je peux. Très bien. Magali a peur, Peter, c'est normal. Moi, je suis sûr qu'ils auront réussi leur coup. Si seulement tu pouvais avoir raison. Tu vas voir. D'ici peu, nous allons recevoir un appel d'Alexandre et sa bande pour nous dire que ça y est, ils sont à l'ouest, sains et saufs, et qu'ils commencent déjà à sentir le bon goût de la liberté. Le bon goût de la liberté, ce qu'il faut pas entendre. Oui, parfaitement, le bon goût de la liberté. Tu as un problème avec ça? Et si ce n'était pas le cas? Hein? Nous savons tous quels risques encourent les fuyards. Quoi? Ne regardez pas comme ça tous les deux. Qu'est-ce que j'ai dit? Que nous savons de quel prix la Stasi fait payer ceux qui tentent de passer le mur? Ah oui, la barrière de protection, hein, c'est ça, le rempart contre le capitalisme. J'ai dit le mur. Nous le savons, c'est tout. Pas la peine de faire semblant. Qu'il s'agisse d'un fils ou d'un ami, ou de qui que ce soit d'autre, pas la peine de se voiler la face. S'il est à l'ouest, alors hurrah. Mais s'il s'est fait attraper, alors c'est un tout autre problème. Et pas seulement pour Alexandre et ses camarades, mais pour nous tous. Et toi? Pourquoi je devrais me taire? Parce que tu vas dire des choses que personne ici n'a envie d'entendre, Yann, ou d'imaginer. Alors, inutile d'énoncer ces choses-là, ok? Ok. On sait pertinemment ce que tu penses, Yann. Ah ouais? Oui. Oui, on sait. On sait que tu t'es opposé au départ d'Alexandre, et de tous les autres, d'ailleurs. C'est exact, et alors? Toi, tu préfères rester enchaîné à ces maudits dirigeants staliniens. C'est faux! Je pense au contraire qu'il faut se battre pour les forcer à faire des réformes, à retrouver le vrai sens du socialisme. Et ce n'est pas depuis Berlin-Ouest que cette bataille peut être menée. Voilà ce que je pense. Des réformes? Une bande de réactionnaires, et tu penses qu'ils vont entreprendre des réformes? C'est juste, c'est ce que sont Honecker et sa clique. Des réactionnaires. Des réactionnaires, oui. Des tyrans qui surveillent tout le monde, se méfient de tout le monde. Des tyrans et qui arrêtent, emprisonnent, persécutent sans la moindre preuve, et qui bâillonnent la presse, qui interdisent tout, absolument tout. Ok, Peter, c'est toujours aussi plaisant d'échanger avec toi. Et toi, Ian Kiefer, artiste, chanteur, compositeur, poète, quoi encore, humaniste, hein? Eh bien, toi, tu préfères ça. Et allez, c'est parti pour le grand procès. C'est la vérité, Yann. Mais après tout, c'est ton choix. On a tous cru au socialisme, non? Tous autant que nous sommes, on y a cru. Alors personne ne te reproche d'avoir des convictions. Mais aujourd'hui, qu'Alexandre est parti, je te demande solennellement de les garder pour toi, tes convictions. S'il te plaît. Attendez, tous les deux. Je voudrais que les choses soient bien claires entre nous. Si je préfère rester en RDA, ce n'est pas pour me satisfaire de la situation telle qu'elle est, ok? Ok, Yann. Pas pour me vautrer dans un canapé et regarder faire le SED en me tournant les pouces. Tu as fini? Ce que je veux, c'est rester pour améliorer notre vie ici. Parce que j'aime ce pays, que je crois en ce pays, et que je pense que nous sommes très nombreux à ressentir ce désir de changement total. Est-ce que tu as fini? Allô? Allô? Madame Biermann? Hélène. Oui, c'est moi, c'est Hélène. Ça va? Oui. Enfin, je ne sais pas. Et Hélène, dis-moi ce qui se passe. Je suis vivante, Madame Biermann. Je suis à l'abri, je suis... Vous avez réussi? Madame, je ne sais pas où est Alexandre. Comment ça, tu sais pas où il est? Mais vous étiez ensemble, non? Vous êtes partis tous ensemble. C'est bien ça, non? Oui. Mais au moment de passer... Le groupe s'est divisé et certains ont pris un autre chemin que celui qui était prévu dans notre plan. Et Alexandre? Il a changé de direction. Il a été vers un autre point de l'Achepré. Au niveau du Reichstag, on a été repérés. Ça a été la panique. Tout à coup, il y avait des gardes avec des chiens qui nous couraient après. Alors, on s'est dit qu'il valait sans doute mieux tenter de se disperser au cas où on serait pris. Comment, de cette façon... Certains d'entre nous parviendraient à passer la rivière. Ça a été tellement... Mais je ne sais pas si Alexandre est ici pour le moment. Je n'en sais rien. Egon et moi, on a réussi, mais c'est tout ce que je sais. Je voulais juste vous appeler pour vous le dire. pour que vous sachiez. Hélène. Je vous rappellerai. Écoute-moi. D'accord ? Je vous rappelle. Hélène. Au revoir, Madame Biermann. Hélène. Oh, 523. Debout. Allez, debout. Ma jambe, j'arrive pas à m'appuyer dessus. T'as eu moins mal quand il s'agissait de prendre tes jambes à ton cou et de sauter dans la rivière. Tu étais comme un poisson dans l'eau. Vous avez de l'humour, là, Stasi. Tu parles d'un scoop. Tiens, voilà ton repas. Des patates, un yaourt. Super, je suis gâté. Appuie-toi sur moi, là. Sur mon avant-bras. Voilà. Comme ça. Assieds-toi. Et mange à présent. T'as besoin de reprendre des forces. Tu sais combien de temps on va me garder ici ? Oh, la 523, tu viens juste d'arriver, alors je te conseille de te calmer et de pas penser à la sortie. Parce que c'est pas pour tout de suite. Ils vont encore m'interroger ? Encore une bonne centaine de fois, oui. Écoute, si tu craches, on te fichera la paix. Mais si tu résistes, que tu veux pas parler, dire tout ce que tu sais sur qui tu sais, les amis, les proches, les parents, tout, sans restriction, tu vas moisir ici pour un bon bout de temps, crois-moi. Mais si je sais rien. Vous dites tous la même chose. Et puis soudainement, la mémoire vous revient, dis donc. Comme ça, d'un seul coup. Et vous devenez bavard, comme des pies, on peut plus vous arrêter de jacter, c'est magique. Non mais sérieux, si je ne suis au courant de rien. Parce que c'est la vérité, qu'est-ce que tu veux que j'invente ? On est juste une bande de jeunes qui essaient de... Qui voulaient fuir la RDA pour se rendre en RFA. C'est un très bon début. Essaye de réfléchir à la suite, parce que l'officier qui t'interroge, celui qui est chargé de te faire cracher la bonne info, l'info utile, je le connais. Et le moins que je puisse dire, c'est qu'il est pas tendre. Sans blague. Ouais, plutôt du genre coriace. Surtout quand il s'agit de questionner un pseudo-artiste à cheveux longs, amateur de Nina Hagen et ACDC. Dès comme toi, 523, je l'ai vu en briser une flopée depuis que je suis ici. Et dis, t'aurais une sèche à me dépanner ? Je fume pas. Évidemment. Quelle merde. Un conseil. On est le 23 septembre 89. Les dirigeants sont à cran. Il y a du grabuge un peu partout dans le pays. Alors tiens-toi, Caro. Collabore tant que tu peux. Et t'as peut-être une chance de sortir d'ici avant la fin de l'année. Je dis bien peut-être. À présent, avale tes pommes de terre et couche-toi. Hé hey. Pardon, mais je connais pas ton prénom. Je m'appelle Ulrich. Moi, c'est Alexandre. Et t'as quel âge, Ulrich ? 27. Je t'en donnais à peine 20. Sophia dit que l'uniforme me rajeunit. Sophia, c'est ta copine ? Ouais. Ouais. La mienne, je crois que je la reverrai jamais. Bon, salut. Et Ulrich ? Quoi encore ? Rien. Merci. C'est ça. Bonne nuit. Mes amis, camarades, s'il vous plaît, mes amis, je ne crois pas me tromper quand je dis qu'aucun de nous ici présents ne souhaite l'abolition du socialisme. Tout comme je ne crois pas me tromper non plus quand je dis qu'aucun de nous ici présents n'avait imaginé le socialisme comme il sévit aujourd'hui dans notre pays. Car malgré l'élection d'un premier ministre non communiste en Pologne, malgré le démantèlement des barbelés tout le long de la frontière qui sépare la Bulgarie de l'Autriche, et malgré le renouveau politique porté par Mikhaïl Gorbatchev en URSS, nos dirigeants politiques à nous n'ont toujours pas compris que l'Europe s'apprête à traverser une période de bouleversement telle qu'on ne saurait nommer cela autrement que par le nom de révolution. Je le redis haut et fort, nous sommes pour le socialisme. Mais pour un socialisme qui adopte résolument des principes démocratiques, des principes de liberté pour tous les citoyens. Être opposé à ces principes, c'est être réactionnaire, c'est être contre le socialisme et contre le peuple. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple, mes amis. Nous sommes le peuple. toucher à ton assiette. Tu tiendras pas en faisant une grève de la faim. Putain, ça fait 14 jours que je suis là, j'ai l'impression que ça fait 2 ans. Je vais crever ici, Ulrich. C'est ça ? Dis pas de conneries. Alors quoi ? Chut. C'est le bordel dans votre cellule 523. Faut me ranger ça immédiatement, compris ? Est-ce que je peux te demander un service ? Je t'écoute. J'ai écrit cette lettre pour mes parents. Qui t'a refilé un stylo et du papier ? C'est l'infirmier. T'es complètement ahuri ou quoi ? Comment ça ? C'est pas vrai, tu comprends pas que c'est un piège qu'on te tend. Un piège ? Mais oui, un piège ! On te refile du papier pour que tu t'épanches en long et en large et en travers. Et après, on récupère ton petit journal intime et on fait un rapport. Tu piges ? Tu piges rien, ma parole. Déchire ce cahier immédiatement. Je veux que mes parents sachent où je suis. Est-ce qu'on me fait ici la façon dont la Stasi nous pousse à boule ? Ferme-la, on va t'entendre. Allez, déchire tout, c'est un ordre. Allez. Écoute-moi. Faut que tu tiennes. Oh, ils vont finir par te libérer ou te transférer dans un centre plus... Bref, faut que tu tiennes, Alexandre. Parce qu'il se passe des choses dehors, tu vois. Il se passe des trucs, des manifestations, des protestations, tous les jours, des... Personne ne l'avoue, mais ça ressemble de plus en plus à une débandade. Tu me suis ? Depuis la visite de Gorbatchev, ça n'arrête pas. Alors tiens le coup, même si c'est dur, même si t'en peux plus, tiens le coup. Je crois que ça en vaut la peine, non ? Quand je te regarde, je me demande bien ce que tu fous avec cet uniforme. Je suis pas vraiment fait pour la fonction, je sais bien. On me l'a déjà dit. C'est sans doute pour ça que j'ai été refusé dans les autres sections. On m'a calé ici parce que je suis pas un très bon élément. C'est la vie. Moi, j'aurais aimé être joueur de foot, tu vois. Mais à 17 ans, je me suis déchiré les ligaments du genou pendant un entraînement à Dresde. Qu'est-ce que tu veux ? Mon père est de la Stasi, mon frère aîné aussi. Avant que j'oublie, je t'ai rapporté des cigarettes. J'y vais. Qui êtes-vous ? Un ami de votre fils. Je ne vous connais pas. Désolée. Je n'ai rien à vous dire. Madame Biermann. Laissez-moi tranquille. Alexandre a été arrêté le 23 septembre au matin, alors qu'il tentait de traverser la Spree derrière le palais du Reichstag, afin de rejoindre illégalement Berlin-Ouest. Il était accompagné de 3 personnes. Boris Zimmer, Ellen Kraff et Egon Spiel. Je ne suis pas votre ennemi, Magali. Vous parlez trop fort, jeune homme. Ulrich. Je m'appelle Ulrich. Je suis le garde chargé de surveiller la cellule de votre fils au centre de détention. Comment va-t-il ? Je veille à ce qu'il ne perde pas espoir. J'essaye du moins. Pourquoi faites-vous ça ? Je ne sais pas. Parce que j'en ai besoin, je crois. Je crois que ça devient vital. C'est très risqué. Peut-être, mais si je ne le fais pas, je sens qu'il sera trop tard pour moi. Comment je peux avoir confiance en vous ? Vous n'avez pas vraiment le choix. Oui, c'est vrai. Je suis tellement inquiète pour mon fils. Avez-vous des activités dissidentes, Madame Biermann ? Bien sûr que non. Jan Kiefer ? Une vieille connaissance. Un ami d'université, rien de plus. Je vous le promets. Bien. Savez-vous que votre appartement doit être sur écoute ? Je n'ai rien à cacher. J'espère. Mais prenez garde à ne pas parler à l'intérieur de votre domicile. Si vous voulez qu'Alexandre soit libéré bientôt, tenez-vous à l'écart de l'église du père Schulman, à l'écart aussi de Jan Kiefer, comme de tout mouvement qui pourrait justifier la poursuite d'une enquête et la détention de votre fils. Vous m'avez bien compris ? Je crois, oui. Je descends à cet arrêt. Je vous en prie, Ulrich. Je vous en supplie, veillez sur lui et ne me laissez pas sans nouvelles. Au revoir, Magali. Allô ? Allô, monsieur Biermann ? C'est moi. Belen. Non, monsieur Biermann, c'est... Belen, oui. Comment allez-vous, ma chère ? Monsieur... J'appelle pour prendre des nouvelles. Nous n'avons toujours aucune nouvelle de notre fils, Alexandre. Nous ne savons pas où il est. Je vous aurais volontiers passé Magali, mais elle est dans la salle de bain. Je vais lui dire de vous rappeler, sans faute, Bélène. À bientôt. C'était... Bélène, oui, j'ai compris. Je la rappellerai. Voilà. Tu attends quelqu'un ? Non, personne. J'y vais. Monsieur Krempp. Pétain, c'est notre voisin, Monsieur Krempp. Encore un problème avec votre chaudière, c'est ça, Monsieur Krempp ? Chut, suis-moi jusqu'au balcon. Ils vous ont mis sur écoute ? Tu as deviné. Ça va ? T'as pas l'air en forme. Je confirme, tu as une sale gueule, Diane. Tu veux un remontant ? Volontiers, Magali. Je te remercie. Tu as des ennuis ? Plus ou moins. Grave ? Je sais pas. Explique-toi, parle. La perte des illusions. Tu placerais ça à quel niveau, sur l'échelle des ennuis, toi ? C'est-à-dire que, dans ton cas, les illusions sont tellement enracinées... Tu crois que je me suis trompé, Peter ? Franchement ? Franchement. Tu t'es trompé, Yann. Grossièrement trompé, oui. Tu t'es fait avoir, comme nous tous. Sauf que, toi, tu ne t'en es même pas rendu compte. Si, mais... Non, Yann. Tu as mis 20 ans pour réaliser... Tenez les verres. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Yann a perdu son pucelage. Très drôle. C'est-à-dire ? Eh ben ça y est, il est comme nous. À présent, c'est vrai. Il a compris, quoi, que toute cette histoire n'était qu'une montagne de promesses jamais tenues. Une montagne de rêves jamais réalisés, qui nous ont menti depuis le premier jour. Depuis 61 et la construction de ce mur de merde, ce mur de la honte, et même avant ça, qu'il nous mentait déjà. Jan Kiefer, le fidèle compagnon du socialisme allemand, est arrivé à maturation. Ça y est. C'était un miracle. Oui. Ça s'est passé pendant la manifestation contre la fraude électorale des dernières municipales. Il y a quelques jours, donc. J'étais dans la foule. On arrivait dans le quartier de Mitte. Et soudain, sur Alexanderplatz, j'ai vu que la police chargeait sur nous, sans prévenir. Et qu'elle frappait et arrêtait à tout va, sans faire de distinction. Je me suis alors rendu compte de mon erreur. J'ai pensé, quel crétin tu es, Yann. Voir des gamins de l'âge d'Alexandre et Hélène, le visage en sang. Ils disaient aux journalistes, qu'avons-nous fait ? On n'a rien fait. Ils nous tapent dessus à coups de matraque. On ne fait pourtant rien de mal. On défile pacifiquement. Oui, ils avaient raison. Oui, ils avaient raison. Vous aviez raison, mes amis. Trinquons. Trinquons à toi, Yann, et à notre fils, Alexandre, et à Hélène, à Boris, à Egon. Trinquons à la liberté. À la liberté. Ein Staat nicht ganz einfach ist. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR. Qu'est-ce qu'il a dit, ce vieux crouton ? Il débloque ou quoi ? Papa ! Maman ! Vous avez entendu la déclaration de Schabowski ? Écoute, il l'a dit. Je suis pas fou. Quoi ? Là ? Oui, là. Il vient juste de faire l'annonce. Qu'est-ce que tu as entendu exactement ? Un journaliste italien lui a posé une question sur la réglementation concernant les voyages par rapport aux réformes, enfin... aux simili de réformes entreprises ces dernières semaines... Oui, bon, enfin, vas-y, ne me fais pas tout un descriptif. Oui, Günther Schabowski lui a répondu du tac au tac que le bureau politique vient d'adopter une loi qui permet la libre circulation de tous les citoyens de la RDA. Tu es sûr que c'est ce qu'il a déclaré ? Mais puisque je te le dis... C'est fou. Complètement. C'est complètement fou, oui. Non, mais il s'agit sans doute d'une erreur. En tout cas, il l'a dit. Mais tu y crois, toi ? Ben... Mais... Qu'est-ce que tu fais ? Mais Magali, où vas-tu ? Je vais vérifier l'information. Comment ça ? J'y vais, je sors, j'y vais, je vais voir, Peter. Je vais au point de passage de Bornholmstrasse et je veux voir de mes propres yeux parce que je ne peux pas y croire. C'est impossible, c'est... Allez, viens ! Mais quoi, maintenant, on n'a même pas encore dîné ! Mais on s'en fout de dîner, idiot ! Le porte-parole du gouvernement vient d'annoncer la fin du mur, la fin de 30 années de honte, et tu penses à bouffer. Tu as raison. J'arrive. Dépêche-toi, bon sang. Attends-moi, au moins. Mon écharpe. Nous sommes momentanément absents, mais laissez votre message et nous vous rappellerons. C'est à vous. Bonsoir, c'est Hélène. J'imagine que vous avez entendu la nouvelle. Ça paraît irréel. Les gens sont en train d'affluer au poste frontière, paraît-il. Enfin, c'est ce qu'ils disent à la télévision. Je vais y aller, moi aussi. J'y vais maintenant. Est-ce que cela veut dire qu'Alexandre va être lâché? Je vous rappelle tout à l'heure. Au revoir. Oh, 523. 523. Réveille-toi. Quelle heure il est ? 5 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe ? Le mur est tombé. Elle est très bonne, vraiment, mais décidément, les gars de la Stasi ont un humour très particulier. Je plaisante pas. Hier soir, à 23h30, le mur est tombé à Bornholmerstrasse tout d'abord, et puis, avec la pression de la foule massée à tous les postes frontières, ça a craqué. Ils ont ouvert la frontière, ils pouvaient plus contenir la foule. T'es sérieux ? J'ai l'air de plaisanter. Mais comment c'est possible ? Hein, comment ? Gunther Schabowski a annoncé la levée des contrôles pendant une conférence de presse. Un journaliste lui a alors demandé « Mais à partir de quand cette nouvelle réglementation entre-t-elle en vigueur ?» Et là, Schabowski a eu l'air un peu ahuri, tu vois, et puis il a dit « Dès à présent. » Et puis il a ajouté penaud « Enfin, je crois. » Et là, c'était fini. Tu comprends ? Les gens sont sortis pour voir, évidemment. Ils voulaient voir ça. Ils pouvaient pas croire que cette nouvelle était vraie. Ils ne pouvaient pas, ils étaient comme toi, comme moi. Sauf que c'était vrai. Le mur est tombé, Alexandre. Le mur est tombé. Putain. Comme tu dis. C'est un grand jour, alors ? Peut-être pas au goût de tout le monde, mais je crois que pour l'humanité, c'en est un. À coup sûr, même. Toi, tu restes tranquille, ok ? Tu changes rien. Moi, je vais trouver ta mère, je vais lui parler... Et ils vont sûrement te relâcher bientôt. Tu crois vraiment ? Ils n'ont plus de raison de te garder. Ouais. Eh oui, gros malin. Bon, je dois y aller. On m'attend en salle de réunion. Ok. Au fait, j'ai regardé le dossier de ta petite amie, Hélène. Ah oui ? Et alors ? Ben, rien. Félicitations, c'est une jolie fille. Ouais. Allez, salut. Ulrich. Quoi ? Toi, ça va ? Oui, ça va. C'est une nouvelle vie qui commence, non ? Si. Nous sommes un peuple, de Sharif Gattas. Avec Hector Manuel, Clara Lama-Schmidt, Gal Paya, Sarah Chaumette, Olivier Cruveillé, Marc Baudenard. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossier. Follow the Moscow. down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Affaires sensibles, la fiction. Die abendliche Pressekonferenz von Politbüromitglied Günter Schabowski plätscherte über eine Stunde so dahin, dann ganz am Ende plötzlich das Thema Flüchtlingswelle und diese Mitteilung. Haben wir uns dazu entschlossen, heute... Et c'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de prendre une disposition qui autorise tout citoyen de la RDA à sortir du pays par les postes frontières de la RDA. À partir de quand ? Pour autant que je sache, immédiatement, sans délai. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui nous sommes un peuple. Notre invité, Matthias Fekel, ancien ministre socialiste de l'Intérieur, il vivait à Berlin lors de la chute du mur. Bonjour Matthias Fekel. Bonjour. Alors vous avez été le dernier ministre de l'Intérieur sous le quinquennat de François Hollande et vous êtes aujourd'hui conseiller régional en Nouvelle-Aquitaine. Mais vous êtes né en Allemagne et vous avez passé une partie de votre enfance à Berlin. Vos parents sont tous les deux professeurs et en 1989, vous avez 12 ans et vous assistez à la chute du mur et à l'ouverture de la frontière entre l'Est et l'Ouest. Vous êtes donc un témoin d'un grand moment d'histoire, le... l'événement géopolitique le plus important depuis la dernière guerre. On entendit l'archive de ce monsieur Chabowski qui aurait pu rester un fonctionnaire de l'ombre qui est devenu un nom de l'histoire. Vous avez entendu cette déclaration en direct avec votre père, je crois? Je me souviens très bien de ce moment où cet obscur monsieur Chabowski, vraiment le bureaucrate, l'apparatchik type, oui, fait cette annonce et lit la déclaration que venait de dire. Et je me souviens qu'on était devant la télé et que mon père, à ce moment-là, avec toujours un peu de distance ironique, dit « A-t-il lui-même compris ce qu'il vient de dire et ce qu'il vient d'annoncer ?» Parce que derrière une espèce d'annonce bureaucratique en disant « le formulaire XY ne sera plus exigé pour passer la frontière », en fait, c'est la fin de la frontière, la fin du mur qu'il annonce, la chute du mur et donc la possibilité de voyager librement pour les Allemands de l'Est, c'est-à-dire une révolution majeure et d'une certaine manière la fin du XXe siècle. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez vous? Est-ce que vous sortez comme les autres habitants de Berlin? Est-ce que vous sortez? Qu'est-ce que vous faites? Pas le soir même. Ouais. Le soir même, on regarde les événements, on comprend. Alors à 12 ans, vous ne comprenez pas toutes les implications et tous les enjeux géopolitiques et stratégiques. Mais vous comprenez, ne serait-ce que pour avoir vécu à Berlin, dans la Berlin séparée et divisée, qu'il se passe quelque chose d'historique et de majeur. Et puis dans tous les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, on était en permanence, pour le coup, à l'extérieur. D'ailleurs, l'école était annulée. On avait la possibilité de rentrer chez nous ou de regarder ce qui se passait dans Berlin. Et moi, j'ai le souvenir de scènes incroyables, de liesse, de foules qui se retrouvaient, de familles qui étaient réunies, et puis échelonnées sur plusieurs semaines, des tronçons de murs qui étaient abattus les uns après les autres. Ça s'est pas fait en une journée. Le mur, en fait, est tombé pendant de longues semaines, avec à chaque fois une foule présente et une liesse populaire extrêmement forte d'un peuple qui redécouvrait la liberté. Vous habitez dans quel endroit de Berlin à ce moment-là? À ce moment-là, on habite dans un des quartiers au nord de Berlin, dans les quartiers français, puisque vous savez qu'il y avait une communauté française extrêmement importante, mais on circule en permanence dans toute la ville, une ville bondée. Il n'y a plus un endroit où vous pouviez marcher normalement, ni dans les métros, ni dans les rues. Et vraiment, une ville qui était en pleine ébullition, c'est normal. Alors, à quel moment vous quittez Berlin? Moi, je quitte Berlin après mon bac, et après mon Abitur, l'équivalent du bac allemand, l'Abitur, c'est-à-dire en 96, longtemps après. J'ai eu la chance de connaître Berlin avant la chute du mur, Berlin séparé, avec ce monument très paradoxal qui était un lieu de douleur, de séparation et un lieu de mort. J'ai souvenir encore que entre les deux murs, puisqu'il y avait le mur côté ouest, au milieu, il y avait un terrain miné, vraiment avec des mines antipersonnelles partout, des gardes qui patrouillaient. Et puis il y avait un autre mur côté est. Et j'ai souvenir très frappant, très marquant, enfant, de une de journaux qui relatait des gens qui avaient essayé de fuir l'Allemagne de l'Est et qui étaient abattus d'une balle dans le dos, parfois à quelques mètres de la ligne de démarcation et donc de la liberté, et qui se retrouvaient assassinés de manière politique pour avoir voulu fuir. Donc il y avait ce Berlin-là, ce rapport-là au mur, extrêmement douloureux. Et puis en même temps, le mur était un lieu où on se promenait, où les dimanches en famille, on pouvait aller jouer au foot devant le mur, jouer au foot devant le Reichstag, etc., le lieu du Parlement aujourd'hui. Mmh. Donc cette ville était très marquée, c'était à la fois le dernier poste du monde libre, du monde occidental, c'était une ville qui était viscéralement attachée à sa liberté, une ville de tolérance, d'ouverture, où vraiment tous les modes de vie étaient tolérés, où vous aviez le mouvement punk qui était très présent. Donc c'était une ville où le mot « liberté » était quelque chose d'obsessionnel quasiment, puisqu'on savait qu'après le rideau de fer, et en l'occurrence après le mur, la liberté n'était plus là. Est-ce qu'il y avait quand même des passages autorisés de Berlin-Est à Berlin-Ouest pour une journée, pour rendre visite à quelqu'un de la famille, s'il était malade? Il y avait comme ça des mouvements d'un côté et de l'autre? Extrêmement encadré et vraiment très limitatif du sens Est vers l'Ouest. Mmh. Et il fallait vraiment qu'il y ait des cas de vie ou de mort, et encore là, c'était pas toujours accordé, puisque pour le régime, c'était aussi une manière de tenir sa population, que de refuser parfois la sortie. Dans l'autre sens, c'était plus simple. Mais je suis pas sûr que c'était très fréquent quand même. C'était une démarche, on allait quasiment comme dans un autre pays. Alors nous, on avait... par exemple ? Moi, j'y suis allé quelques fois, très peu en réalité. Alors il y avait le statut du gouvernement militaire français qui facilitait les passages. Donc c'était comme pour les diplomates, c'était très simple et très fluide. Mais on ne l'a pas souvent fait avec mes parents. En revanche, ce qu'on faisait à chaque vacances, c'était de traverser l'Allemagne de l'Est en train. Voilà. Avec le train qui s'appelait le train militaire français de Berlin. Un train vraiment qui rappelle, c'est les grands congrès du 19e quasiment, c'est les trains, un train bleu, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge dessus, qui traversait, c'était un train du gouvernement militaire français, et qui traversait la zone soviétique d'Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est, et qui était un train avec à la fois un statut très particulier, militaire et diplomatique, donc ne pouvant pas faire l'objet de fouilles. En contrepartie, c'était un train sur lequel tous les autres trains avaient priorité. Les trains de marchandises, les trains express régionaux, donc, etc. Donc on mettait toute la nuit, on mettait, je sais pas, 10, 8, 10, 12 heures pour faire Berlin jusqu'à Strasbourg. On arrivait en gare de Strasbourg au petit matin. Et on a des souvenirs très émouvants là-dessus de ce train-là, où beaucoup de militaires, beaucoup de jeunes appelés aussi, étaient pour retrouver leur famille en France. Mais c'était vraiment le train d'une autre époque. Est-ce que entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, on voyait une différence, ne serait-ce qu'une différence la nuit de lumière, d'éclairage? Est-ce qu'on avait l'impression de passer d'une ville à l'autre et précisément d'un monde à l'autre? Totalement. Je veux pas être trop caricatural, mais... Non, mais c'est spectaculaire. C'est spectaculaire pour la lumière, c'est spectaculaire à l'époque pour la qualité ou l'absence de qualité des rues et des routes. C'est évidemment spectaculaire pour les magasins, avec d'un côté la société de consommation occidentale, l'abondance, et de l'autre côté une société de rationnement, et une société où il faut faire la queue pour avoir tel ou tel produit, où les légumes sont là de manière exceptionnelle, les fruits n'en parlons même pas. Et j'ai souvenir aussi de scènes au moment de la réunification, très troublantes, où ces deux mondes-là se rencontraient, et où un certain nombre de supermarchés allemands avaient fait le choix pour faire leur promotion de distribuer gratuitement des produits et qui donc jetaient depuis des camions dans la foule qui venait d'Allemagne de l'Est des bananes, des fruits et légumes. C'était extrêmement dérangeant parce que on sentait d'un côté qu'il y avait des gens qui étaient privés de ça et de l'autre côté il y avait un il y avait quelque chose de presque condescendant. Dans cette manière-là. Donc on voyait à la fois la fête, la liberté dont je parlais tout à l'heure, et puis ce contact un peu sordide, pour le coup, avec la société de consommation. C'était un peu l'autre versant. Mais oui, c'était deux mondes totalement différents, décrits dans les bouquins de John le Carré, quand on passe d'un monde à l'autre. Deux mondes issus d'un même peuple. Mais deux mondes c'est ça qui n'avaient rien fort, à voir aussi. Et qui ont mis du temps à se retrouver. Le peuple allemand a mis beaucoup de temps. Je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs totalement fini. À se reconnecter. On en parlera tout à l'heure de ça, justement. C'est fait pour la jeune génération. Mais pour le pays en tant que tel, c'est plus compliqué. Mais vous savez, c'était des idéologies évidemment totalement différentes, mais c'était une vie quotidienne qui n'avait rien à voir. C'était quand même, côté Est, un contrôle permanent des vies et des consciences, y compris des familles qui s'autocontrôlaient. C'est la vie des autres. Ah, bien sûr. Ce film incroyable, film qui raconte, extraordinaire, mais qui raconte comment le totalitarisme pénètre dans les vies, dans le quotidien. Il y a cette histoire, notamment d'un couple assez jeune. Lui est peintre, je crois, c'est un peintre tranquille. Elle est considérée non pas comme dissidente, mais à surveiller. Finalement, elle se retrouve en prison et elle s'aperçoit, quand les archives sont tombées, que c'est son mari, ce peintre-là, qui l'avait dénoncé. Et on voit cette ligne de fracture qui passe dans l'intimité de famille et de couple. Mathias Feckel, on se retrouve dans 3 minutes pour parler de l'Allemagne d'aujourd'hui, l'Allemagne réunifiée, mais avec encore, d'après ce que j'ai compris, des séquelles de cette histoire forte, puissante et récente. Oh, new dame, new, how could you go? Twisted sick, but I'm on the floor, come rescue me. Tears in blood, but oh how they flow. Reasons pleading, tell me no more, get into me. I should have gave the leash to your soul, but now I've lost control, and then you wander aimlessly. For you that freedom's your goal, but I Katia Sveckel, vous avez embrassé la vie de la France, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous êtes devenu ministre, voilà, donc très impliqué dans la vie de ce pays, mais avec, j'imagine, parfois un œil sur le rétroviseur de votre vie, et qui se trouve, qui vous renvoie en Allemagne, et vous devez donc, j'imagine, avec l'Allemagne, avoir un rapport, on va dire, intime, enfin quelque chose de fort. Quel est votre regard sur l'Allemagne d'aujourd'hui? Question générale, mais on ira un petit peu plus dans le détail après, par rapport à tout ce qui s'est passé. L'Allemagne d'aujourd'hui, comment vous la voyez? Je suis encore de très près, une partie de ma famille, beaucoup d'amis sont là-bas. Certains m'ont d'ailleurs dit, il faut maintenant que tu fasses de la politique en Allemagne. Bon, on n'y est pas. C'est très paradoxal, c'est à la fois une très grande démocratie. On l'oublie souvent ça en France, mais c'est une des plus grandes démocraties dans le monde aujourd'hui. Riche, malheureusement. Pardon, quand vous dites pourquoi une des plus grandes démocraties dans le monde, en quoi sa démocratie est-elle vraiment démocratique? C'est peut-être plus que certains autres. C'est une démocratie extrêmement forte parce que d'abord, elle s'ancre dans le rejet des horreurs du XXe siècle, et du nazisme en particulier, avec tout le travail de mémoire qui a été fait, qui continue d'être fait. Et donc, toute une partie de la culture politique allemande vit du rejet viscéral de cela. Et puis ensuite, un système parlementaire efficace, avec des majorités claires qui se dégagent au Bundestag, et avec, au sein de ce Parlement, des lieux de débat, des lieux de contradiction, des lieux d'affrontement démocratique aussi, et des lieux d'appropriation politique. Sur tous les sujets, sur toutes les grandes réformes, sur tous les grands débats européens, il y a débat et vote au Parlement allemand, y compris sur les sujets internationaux, ce qui fait que tout se passe sous l'œil et sous le regard attentif de l'opinion et des citoyens. On est bien loin de la Ve République française et des dérives que, quel que soit le président, ce système porte en lui. Donc ça, tout ça est extrêmement puissant, ce qui n'a pas empêché, lors des dernières élections, alors, j'allais y venir parce d'avoir que des résultats terrible, alors, par certains aspects. Alors donc, effectivement, près de 90 députés d'extrême droite au Bundestag, la charge symbolique, dès lors qu'elle se rattache à l'Allemagne, est très forte, mais c'est en même temps le reflet d'un système politique courageux, qui ne se voile pas la face, et qui se retrouve avec 90, quasiment 89, hein, députés d'extrême droite. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce retour de cette pensée politique dans un pays comme celui-là? C'est terrible. Ça a frappé toute l'Europe et même au-delà. Et ça a frappé d'abord les Allemands. C'est la première fois depuis la fin de la guerre que l'extrême droite rentre de cette manière-là dans le Parlement national et avec, dans ce mouvement, des néo-nazis et toutes les composantes de l'extrême droite allemande. Donc c'est évidemment extrêmement préoccupant. Au diapason d'ailleurs d'évolution qu'on constate ailleurs en Europe, et y compris chez nous, oui, avec une montée de l'extrême droite, il se trouve que le mode de scrutin facilite peut-être l'entrée de l'extrême droite dans le Parlement par rapport à d'autres systèmes, mais elle est bel et bien présente. Et je crois que toute la société allemande a été très frappée par ça. Alors, il y a plusieurs explications. Et une analogie, pardon, de vous couper, peut-être par rapport à la France, où on voit que les deux grands partis structurants de la vie politique allemande, la CDU à droite et le SPD social-démocrate, souffrent. De la même façon, chez nous, la droite et la gauche, telles qu'on la connaît depuis le début de la Ve République et avant, qui structurent le débat politique, qui le structuraient, ne le structurent plus. Est-ce qu'il y a un parallèle? Il y a peut-être même quelque chose à la fois parallèle et puis un paradoxe, parce que en France, les partis classiques souffrent du fait de s'être parfois artificiellement opposés sur des sujets où ils étaient d'accord et de pas avoir eu les vrais débats de fond qui par ailleurs méritent d'être portés. En Allemagne, ils souffrent sans doute d'avoir trop travaillé ensemble et d'avoir été pendant des années dans une grande coalition qui fait qu'on n'a plus tellement vu les différences et notamment, me semble-t-il, les électeurs n'ont plus vu quel était l'apport, l'utilité, la plus-value des sociaux-démocrates qui s'étaient dilués dans cette grande coalition et qui ont eu du mal à faire entendre leurs différences, qui étaient même parfois à contre-courant. Sur la question des réfugiés, où c'est la chancelière qui a accueilli près d'un million de réfugiés, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Ils ont obtenu des avancées, notamment sur le salaire minimum, etc. Mais globalement, l'électorat de gauche n'a pas vu quelle pouvait être la plus-value vraiment de reconduire cette grande coalition et de voter pour les sociaux-démocrates. Je reviens pour terminer sur ce qui était notre base de discussion, la chute du mur, la réunification. Le processus de réunification a été long et est-ce qu'il est arrivé à son terme? Je Je suis pas sûr. Il y a des retards encore, il y a des différentiels de développement économique entre les deux parties de l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Ouest, l'ancienne Allemagne de l'Est. Il y a un retard en matière d'investissement, d'infrastructure. Donc, tout ça prend du temps à s'unir. Il me semble que les jeunes, ceux qui sont nés en gros, soit juste avant, soit juste après la chute du mur, pour eux, oui, les choses sont sans doute plus simples. Mais le pays en tant que tel, dans les têtes, n'est peut-être pas encore totalement réunifié. On voit d'ailleurs dans les résultats électoraux. Alors, j'allais vous le dire, est-ce que l'extrême droite est encore beaucoup plus forte dans l'ancienne Allemagne de l'Est que dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest. C'est pas pour rien. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un sentiment de déclassement, parce que la crise y est ressentie de manière sans doute plus forte que les difficultés économiques, la question sociale, ils sont beaucoup plus prégnantes encore que dans l'Allemagne de l'Ouest d'avant, même s'il ne faut pas schématiser, il y a évidemment des lieux où ça se développe aussi fortement. Mais globalement, ce retard et donc le sentiment d'être parfois laissé pour compte ou relégué est quand même encore très présent. Toute dernière question, est-ce que vous avez, vous, le sentiment qu'après la chute du mur de Berlin, nous sommes entrés dans un monde plus dangereux que celui d'avant, qui se définissait par ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur, et dont les événements nous ont montré que dans l'équilibre de la terreur, il y a eu plus équilibre que terreur, sinon on ne serait même pas là pour en parler. Mais ça, a posteriori, on peut le dire. Ah bah oui, nous sommes a posteriori. Au moment où cette période se déroulait, il y avait des craintes très fortes de destruction nucléaire de la planète, et y compris à Berlin, des manifestations extrêmement fortes contre les missiles, etc. Donc, et on voit, notamment avec la crise des missiles à Cuba, que les choses auraient pu déraper et que parfois il fallait pas grand-chose pour que les choses justement dérapent et qu'on aille vers la guerre nucléaire. Donc ça n'a pas eu lieu, l'équilibre l'a remporté sur la terreur. On est maintenant dans le monde de la fin des utopies, de la fin des grandes idéologies englobantes qui expliquent tout, qui donnent des repères. On est dans un monde où les conflits sont différents, où les ennemis sont différents. Le terrorisme est un ennemi beaucoup plus insaisissable et plus difficile à combattre que lorsque les affrontements ou en tout cas les clivages se font avec de grands systèmes étatiques. Il y a plus d'incertitudes, des menaces plus diffuses, mais le monde d'avant était dangereux, le monde d'aujourd'hui l'est tout autant. Ce qui est sûr, c'est que en 89, on a assisté à la fin du XXe siècle, le court XXe siècle, d'une certaine manière, va de 1914 ou 18 jusqu'en 1989. Merci infiniment, Matthias Fegel. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, nous sommes un peuple. Une fiction écrite par Charif Gattaz, réalisée par Cédric Ossir et Al Nioro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand et Basile Bocquer.